tap manche moi yon rivière. Le soleil tap poil le clé. Mouen tende yon bel petit oiseau. Pa chante yon bel petit refrain. Mouen rete koute, mouen mande. Petit oiseau kote sorti. Ki repon mouen bien gentiment. Mouen sorti. Les papas pour moi.